dit : Obéissez à Allah et au messager. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles.